إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue dans l'explication de ce qu'on a commencé à lire dans la dernière partie, le dernier cours, au sujet des différentes catégories de hizbiya qui sont apparues à notre époque, des différentes bid'a qui n'existaient pas nécessairement dans les groupes ou dans les sectes dans les siècles qui nous ont précédés, mais qui sont apparues récemment. Et on va voir dans les paroles et dans les explications du Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah, qu'en réalité, ces nouveaux groupes et ces nouvelles organisations islamiques aujourd'hui, souvent sont des genres de mélange de différentes sectes et de différentes bid'a qui existaient dans le passé, mais qui ont été, disons, un peu modifiées ou adaptées à notre époque. Donc on va commencer tout de suite avec le prochain paragraphe de qu'est-ce que le cheikh explique à ce sujet. Là où on avait quitté hier soir. Le cheikh il dit wa anna hadhihi al jama'at al mawjuda 'ala al saha tahmilu bid'an muta'addida. Yajib an yuqala al haqq wa yubayyin wa la yuktam wa la يحملون بدعة واحدة وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام المسلمين بحجة المذاكرة وقراءة العلم في هذه من البدع، وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والعناية بها والذب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة كالإخوانية والتبليغية ومن جرى مجراهم ومن سلك في مسلكهم ونهج منهجهم. للشيخ il explique que les groupes qui existent aujourd'hui, qui sont présents sur le terrain, ils possèdent non seulement une bid'a, mais des bid'a, plusieurs bid'a. Donc, ce n'est pas une seule bid'a qu'ils possèdent et une seule bid'a à laquelle ils appellent, à laquelle ils invitent les gens, mais ils appellent à plusieurs formes de différentes bid'a qu'ils réunissent ensemble. Tu peux trouver par exemple dans certains groupes ou dans certaines organisations la bid'a des khawarij, la bid'a des soufiyya, la bid'a des mu'tazila, la bid'a des asha'ira. Toutes ces bid'a sont ensemble, réunies. Et même que certaines d'entre ces organisations, de ces groupes à l'époque actuelle, ils se font les défenseurs de toutes les sectes et de toutes les bid'a. Et ils ont un slogan qu'ils répètent, et c'est avec ce slogan-là qu'ils essaient de réunir tout le monde. Et c'est le slogan yani, qui avait été ramené par Mohamed Abdo à son époque, qui disait: on doit s'unir sur les choses sur lesquelles on est d'accord et s'excuser sur les choses dans lesquelles il y a des désaccords entre nous. Donc, tout ce qui nous divise, selon leur slogan, yani, on le met de côté. Et on se rassemble sur ce qui nous unit. Hein? Et cette parole-là, si on le prend sur le plan, par exemple, des divergences qui existent dans les questions d'ijtihad, entre les ulama sur les questions de fiqh, on pourrait dire oui. On pourrait dire oui, ça peut s'appliquer. Toutefois, si on prend cette parole et on l'applique dans les fondements de la religion et dans les principes de aqida et des bases de l'islam, eh bien là, ça devient une parole totalement fausse. Hein? Parce que si des gens ont divisé se sont divisés et ont divergé dans les questions de fondement et dans les questions de aqida, eh bien, on ne peut pas les excuser. Et on ne peut pas s'unir avec eux. Parce qu'ils contredisent la vérité. Ils contredisent le Coran et la Sunna et l'ijma des salafs, hein, dans les questions de aqida. Donc, on ne peut pas être unis avec ces gens-là. Mais eux, ils parlent de ça comme si c'était pas grave. Hein? Et même qu'ils sont prêts peut-être même à s'unir avec des gens qui ne sont pas musulmans, des juifs et des chrétiens et autres. Hein? Et à dire on s'excuse sur les choses sur lesquelles on est en désaccord. Et il y en a même un de ces... Pour vous donner un exemple de ça, il y a un prêcheur à Montréal qui se fait appeler Docteur Shuraibi. Et en réalité, il est docteur de chimie. Et il donne des cours, il parle aux jeunes de l'islam. Et puis, il fait des rencontres comme ça avec les juifs et les chrétiens pour faire des rapprochements, comme ils appellent des dialogues entre les religions ou des rapprochements entre les religions. Hein? Et il a rencontré un groupe d'une association juive. Une fois, il est allé avec un groupe des étudiants, une association des étudiants musulmans de l'Université de Montréal. Il a fait une rencontre avec le groupe des étudiants juifs. Donc, il y avait un rabbin, puis il y avait lui qui représentait, le rabbin qui représente les juifs, et lui qui représente les musulmans. Et donc, en parlant, pendant qu'il faisait sa présentation, il disait, il faut construire des ponts, il ne faut pas les détruire. Et il a dit, entre nous et les juifs, il y a 95% des choses sur lesquelles on est en accord et 5% sur lesquelles on est en désaccord. Donc, il disait, il faut laisser de côté ce 5% sur lesquels on est en désaccord et travailler avec le 95% sur lesquels on est en accord. Hein? Donc, quand on réfléchit sur ça, on dit, ben, c'est quoi ce 5%? Et qu'est-ce que ça comprend? Hein? Est-ce que ce n'est pas les bases même de la religion islamique? Hein? Et la base de la croyance des prophètes, de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs rejettent la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De croire en le Coran al-Karim. Les juifs ne croient pas en le Coran. Hein? De croire en Isa alayhi salam, que c'est un prophète d'Allah. Eux, ils ne croient pas que c'est un prophète d'Allah. Et de croire en l'Injil, qui est un des livres qu'Allah a révélé à Isa alayhi salam. Et eux, ils ne croient pas que c'est une révélation. Ça, c'est juste quelques exemples des bases sur lesquelles il y a des divergences entre nous et les juifs. Ça fait partie de ce 5% sur les choses sur lesquelles on est en désaccord. Est-ce qu'on va dire, on va s'excuser sur ces choses-là, puis on va travailler ensemble sur le reste? Hein? Allah al-Musta'an. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça aux mouchriquins de Quraysh, hein, il aurait pu dire, ben, on est en désaccord sur le fait d'adorer des idoles et de les prendre comme des intermédiaires entre nous et Allah. Mais entre nous et vous, il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que Allah, c'est lui qui a créé, c'est lui qui contrôle l'univers. Et donc, on va s'unir sur ça. Puis les choses sur lesquelles on est en désaccord, on va les laisser de côté. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulunna Allah. » Si tu demandes aux mushrikins de Quraysh, qui a créé les cieux et la terre? Ils vont dire c'est Allah. Donc on est d'accord sur ça avec eux. Donc on va s'unir là-dessus. Pourquoi il n'a pas dit on va s'unir là-dessus? Hein? Non. C'était pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Parce qu'ils refusaient donc de vouer leur culte et leur adoration à Allah seul. Et ça, c'est shirk. Et on ne peut pas être d'accord sur le shirk. Puisque c'est ce qui est en opposition totale avec la base même de l'islam, hein, qui est le tawhid. Et ils refusaient de croire même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils refusaient de croire aux autres prophètes et au Coran et ainsi de suite. Donc, l'islam, si quelqu'un n'a pas accepté et ne s'est pas soumis à ses fondements, il n'est pas d'accord avec les bases de la sunna, on ne peut pas s'unir, nous travailler en collaboration avec ces gens-là. Et il faut adopter avec eux le même comportement que nos salafs ont adopté envers ceux qui ont ramené des innovations et des égarements. Hein? Donc ces gens-là, c'est des gens qui ont opposé le manhaj des salafs et la compréhension de l'islam depuis ses fondements et sa base. Hein? Et ils prétendent que le fait qu'il y ait différentes sectes et différents groupes et différentes tendances religieuses, que ça c'est une expression de la diversité de l'islam et que ça c'est quelque chose de positif et qu'il ne faut pas être contre ça, au contraire pour eux il faut l'encourager. Hein? Et ils appellent à la liberté d'opinion, la liberté de croyance, la liberté hein, d'expression dans l'islam. En fait, ils appellent à la liberté de toute chose, excepté la liberté d'affirmer la vérité et de dénoncer le faux. Hein? Donc, c'est des idées, en fait, qui sont très dangereuses, mais ces gens-là, ils prônent ces choses-là. Et ils appellent à ces choses-là. Hein? Et tout ça, en réalité, c'est parce que derrière ça, il y a un plan. Et, ils ont des objectifs et des plans politiques et économiques qu'ils essaient d'atteindre. Et ils sont prêts à tout faire pour arriver à ces objectifs-là, même si c'est au prix de la aqida de l'islam, même si c'est au prix de la da'wah des prophètes. Donc, il y a plusieurs bid'ah, il y a plusieurs sectes, plusieurs tendances dans ces mêmes groupes-là. Et ils les défendent toutes. Le cheikh dit il est obligatoire de dire la vérité et de la clarifier et de ne pas la cacher. Hein? On ne peut pas se taire. On ne peut pas faire semblant qu'on ne voit pas ou on n'entend pas ces choses-là. Il faut les clarifier. Donc, ils ne portent pas une seule bid'ah, mais plusieurs. Et c'est des groupes, parfois, là, ils donnent des exemples de bid'ah que ces groupes-là enseignent ou projettent en même temps. Parmi les exemples de bid'ah que ces groupes-là ont, premièrement, le cheikh, il dit, le fait de faire des organisations secrètes à l'intérieur d'un pays musulman. Il dit ça, c'est une bid'ah en soi. C'est-à-dire que tu es dans un pays musulman et il y a un dirigeant et les gens ont une allégeance à ce dirigeant-là. Et toi, tu fais ton propre groupe, tu choisis un chef et vous réunissez les gens autour de ce chef-là et vous lui donnez l'allégeance. Et ça, c'est quelque chose qui est fait en secret. Hein? Ça, c'est une bid'ah. Et c'est quelque chose qui amène les musulmans à se diviser. Et c'est ce qui fait que par la suite, des égarements et des croyances d'égarements se propagent parmi les musulmans. Parmi les exemples qu'il a mentionnés aussi, al-majalis as-sirriya duna awam an-nas, le fait qu'il y ait des assemblées ou des rassemblements secrets entre des groupes de personnes, en particulier en privé, qui excluent le commun des musulmans sous prétexte de vouloir reviser la science ou bien se rappeler ou réciter ou lire des livres de science et exclure les gens du commun parmi les musulmans de ces assemblées-là. Comme certains parmi les gens de bid'ah justement qui se réunissent en secret pour parler de certains sujets. Ils prétendent que c'est pour parler de science, mais souvent c'est pas pour ça. C'est pour justement prêcher leurs croyances qu'ils ont, qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça qu'ils le font en secret. C'est pour ça qu'ils le font en privé, justement, pour pas que des gens qui sont en dehors d'eux puissent entendre leurs plans et leurs projets. Et il cite en note de bas de page une parole qui est rapportée de Omar ibn Abdul Aziz. C'est Al-Awza'i qui rapporte cette parole. Il dit « إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عمتهم فهم على تأسيس ضلالة. C'est rapporté par l'imam al-Darimi. Il dit, si vous voyez des gens qui se réunissent et qui parlent en secret de certains sujets dont ils ne parlent pas en public devant les gens en général, sachez qu'ils sont sur le point d'établir un égarement. Hein? Parce que la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle a toujours été enseignée ouvertement. Elle a toujours été enseignée dans les mosquées, devant les musulmans, sans qu'il y ait un groupe en privé ou en particulier, et des enseignements qu'on ne peut pas répéter devant les gens. Qu'est-ce qu'on enseigne? On peut l'enseigner devant tous les musulmans parce que c'est quelque chose qui concerne les musulmans et qui est tiré du Coran et de la Sunna. Ce ne sont pas des enseignements secrets ou privés ou des choses de ce genre, limités à des initiés ou des choses de ce genre. Hein? Après, il dit également وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى وسنة نبيهم. Il parle du fait de détourner les jeunes de la science de la charia et d'apprendre la religion et d'apprendre aux jeunes les connaissances dont ils ont besoin pour adorer leur créateur, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître également, il les détourne aussi d'apprendre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de donner à cette sunna de l'importance et de la défendre. Et il les détourne de ces choses-là par toutes sortes d'autres activités qu'ils ont organisées et inventées pour les occuper et pour faire en sorte justement qu'ils n'apprennent pas leur religion. Et quand tu vas remarquer, par exemple, dans les activités des Hizbiyin et des gens de Bid'ah, ils font toujours des choses pour que les gens ne vont pas s'asseoir pour apprendre l'islam, et les bases de l'islam en particulier, comme le tawhid et la aqidah. Hein? Mais ils vont parler de tout autre sujet. Pourtant, la aqidah et le tawhid, c'est la base. Et si les gens n'ont pas compris la base, eh bien, le fait de connaître le reste, ça sert pas à rien. Puisque la base, c'est ce qui fait que le reste de tes actions va avoir une valeur, hein, va être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il détourne les jeunes de qu'est-ce qui est le plus important, avec toutes sortes d'autres activités. Et ça, c'est une de leurs ruses et une de leurs méthodes pour justement garder les jeunes dans l'ignorance, pour pouvoir mieux les contrôler. Et c'est pas seulement les jeunes, même les adultes aussi. Hein? Et il dit ensuite, toutes ces choses-là sont des différentes bid'ah que les groupes présents actuellement sur le terrain pratiquent, hein, et font. Comme il donne comme exemple Al-Ikhwaniya. Et en note de bas de page, il y a une petite définition de qu'est-ce que c'est Al-Ikhwaniya. Al-Ikhwaniya, c'est en fait Jama'atul Ikhwan al-Muslimin, le groupe des frères musulmans. Le Cheikh il dit qama bi ta'sisiha Hassan ibn Ahmad al-Banna. Wulida 'am 1324 fi Misr wa tuwfiya 'am 1368 hijriyan. والذي تربى على طريقة الصوفية الحصافية وأخذ بيعتها على يد بسيوني العبد ثم على يد عبد الوهاب الحصافي نائب رئيس الطريقة وواظب على حضرتها وكان الهدف من حركته جذب جميع المسلمين في مصر على اختلاف مناهجهم بين السلفية والصوفية فعرفت نفسها بأنها دعوة سلفية صوفية دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وأرادت أن تجمع عضويتها بين طالب الدنيا وطالب الدين طالب الدنيا والدين فأضافت أنها هيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. Donc, pour définir l'Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, il commence par expliquer que le fondateur de ce groupe-là, c'est Hassan ibn Ahmad al-Banna. C'est lui qui a établi ce groupe-là. Il est né en l'an 324 et il, en Égypte, et il est mort en 1368. Et son groupe, il l'a établi environ vers 1928, selon le calendrier, le calendrier chrétien. Il a été éduqué et élevé dans le soufisme. Toute son éducation était une éducation soufiste. Et il a été même membre d'une tariqa soufia, qui était la tariqa al-Hisafiyya. Et il a pris même une allégeance à cette tariqa par le cheikh Bisyuni al-Abd. Puis par la suite, il a pris l'allégeance également à cette tariqa encore, mais avec l'adjoint du président de cette, ou du cheikh de cette tariqa, qui s'appelait Abdul Wahhab al-Hisafi. Et il lui a donné sa bay'a, c'est-à-dire l'allégeance. Parce que, en fait, pour faire partie d'une tariqa, les soufis, ils ont inventé ce principe de bay'a. C'est-à-dire, tu dois donner ton allégeance à un cheikh, pour en faire partie. Et ça, c'est une bid'a en soi. Puisque dans l'islam, dans un pays musulman, il n'y a pas de bay'a, excepté pour le chef de l'État, qui est officiel. Tout autre bay'a en dehors de ça, c'est considéré comme une bid'a. Et à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils donnaient bay'a que au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était lui le dirigeant en même temps. Et puis, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba donnaient la bay'a à qui? Au khalifa. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ensuite c'était Omar ibn al-Khattab, ensuite c'était Uthman ibn Affan, ensuite c'était Ali, radiallahu anhum ajma'in, et ensuite, chaque fois qu'il y avait un khalifa, il donnait l'allégeance à ce khalifa-là. Et c'est donc comme ça que, dans l'islam, il n'y a pas des gens qui vont venir parmi les musulmans et dire, venez me donner la bay'a, moi je suis le cheikh d'une tariqa ou des choses de ce genre. Ça n'a jamais existé. Mais c'est venu par la suite. Et ça, c'est pas en accord avec l'islam. Donc, mais les soufis, ils le font, et pour que quelqu'un, justement, donc, rentre dans le soufisme ou dans la tariqa soufia, il doit donner la bay'a à un cheikh. Et quand il donne cette bay'a à un cheikh, il devient un mouride. Il l'appelle un mouride. Et il doit obéir à son cheikh dans tout. Il doit être, comme les soufis eux-mêmes le disent dans leur livre, il doit être comme un mort devant celui qui lave son corps. Quand tu laves le corps d'un mort, et le mort il bouge pas, eh bien, tu dois être avec ton cheikh de la même manière. Et tu dois, comme si tu n'as plus de volonté devant lui, tu dois complètement te soumettre à tout, qu'est-ce qu'il te demande, et même dans ton cœur. C'est-à-dire que les soufis, ils ont même parfois la croyance que le cheikh sait qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ses mourides. Et que si les mourides ont une mauvaise pensée de leur cheikh, il peut même leur enlever la foi, s'il se met en colère contre eux. Et ça, c'est une forme de crainte que les ulamas mentionnent dans les livres quand ils parlent des adorations, et ils disent ça c'est une crainte qui n'a pas le droit d'être envers une créature, parce que c'est une forme d'adoration. Cette crainte-là peut être uniquement pour Allah, et si quelqu'un craint un être humain de cette façon-là, ça devient une forme de shirk, que tu crois qu'il a un contrôle sur ton âme ou sur ton cœur, et qu'il peut décider de ton sort ou enlever ta foi, des choses de ce genre, même à distance. Donc ça, c'est des exemples de ces croyances-là. Donc lui, il fait partie de ceux qui ont donc pris ce genre de bay'a. Et il assistait avec assiduité à toutes les séances de hadra qu'ils font. Les soufis, ils ont un truc qu'ils font qui s'appelle al-hadra. Et ils vont se réunir dans leur mosquée, puis des fois quand c'est par exemple une occasion ou quoi, ils se mettent en cercle et puis ils commencent à taper le tambour et à réciter des noms d'Allah et à chanter et faire des anachides comme ça, puis ils dansent ensemble dans la mosquée. Et ils commencent à se pencher, se faire des mouvements, hein, devant, derrière, des balancements. Puis des fois il saute sur place, des fois il tourne en rond en criant et tout ça. Donc tout ça c'est des exemples aussi de bid'a. Et ils pensent que quand ils font ces choses-là, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient parmi eux et qu'il se présente parmi eux. Tout ça c'est des bid'a, tout ça c'est des innovations. Les sahabas n'ont jamais fait ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais enseigné. Donc lui, Hassan al-Banna, il participait à ça. Hein? Il faisait partie de ceux qui participaient à ce genre de choses-là. Et il disait que le but de son groupe, quand il a fondé le groupe des frères musulmans, c'était d'essayer de ramener toutes les différentes tendances et méthodologies, différentes tendances religieuses en Égypte, pour les unir ensemble. Hein? Toutes les réunir, avec leurs divergences et leurs différences. Et, par exemple, quand il a décrit son groupe, il a dit que c'était un groupe qui était salafi-soufi. Hein? Déjà, ça montre la contradiction. C'est comme si tu voulais dire un groupe qui est musulman-chrétien, bon, ou bien sunni-bidaï. Hein? Ça peut pas aller ensemble. C'est deux choses qui se contredisent. Donc, pourquoi il fait ça? C'est pour faire plaisir à tout le monde. Lui, il se dit, si on fait plaisir, on met un petit peu de chaque groupe dans notre association, bien tout le monde va se sentir bienvenu, comme ça tout le monde va se réunir avec ça. Bien entendu, c'est pas comme ça que la da'wa se fait. La da'wa se fait en corrigeant la aqida des gens et en les appelant à revenir à la sunna et à abandonner la bid'a. Mais pas de dire aux gens, restez comme vous êtes, puis venez, on va tous se réunir ensemble, chacun sur sa bid'a, chacun sur sa croyance. Ça, c'est pas l'unité ou d'être unis, hein, selon l'islam. Comme Allah dit dans le Coran à propos des juifs, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّ. Tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divisés. Non, l'islam c'est d'unir les cœurs en premier sur une seule aqida, sur la aqida du Coran et de la sunna et de la compréhension des salafs. Puis ensuite, là tu peux t'unir et tu vas t'unir. Mais sinon, c'est pas une vraie union. Et donc quand il décrivait son groupe, il disait que c'était une da'wa, une da'wa salafia, une tariqa sunniya, une réalité, une haqiqa soufia. Et étant donné qu'il voulait réunir non seulement les aspects de la religion, mais aussi les gens qui cherchent la dunya aussi, donc il a même rajouté d'autres éléments en disant que c'était une institution politique, un groupe sportif, une ligue scientifique et culturelle, une compagnie économique et une idéologie sociale. Donc, il a voulu faire plaisir à tout le monde et réunir tout le monde, hein, pour que tout le monde sente qu'il a quelque chose à faire dans ce groupe-là. Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est un petit résumé par rapport à la bid'a des Ikhwan, mais il y a d'autres aussi. Parce que déjà, à l'époque de Hassan al-Banna, il y avait les idées de Khawarij, de Takfir aussi, qui étaient propagées par ce groupe-là. Puisque leur but, c'était, soi-disant, de ramener le Khilafah. Quand ils ont vu que l'Empire Ottoman a été démantelé, puis est tombé, puis qu'on a enlevé le Khalifa, ou bien le dirigeant de l'Empire Ottoman, eh bien, eux, ils se sont dit, donc, notre objectif, c'est soi-disant, on va ramener ça. Et un de leurs buts aussi, c'était de faire un coup d'État pour renverser le roi Farouk, qui était au pouvoir à l'époque. Hein. Et il y a plusieurs, bon, on ne va pas rentrer dans les trucs historiques là, mais c'est juste pour vous faire comprendre un peu que leur tendance, c'est de renverser les gouvernements dans les pays musulmans. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver dans l'année qui vient de passer, c'était justement une manifestation de ça. Et ça, c'est tiré de leur influence du manhaj des Khawarij et des Bataniya et des Mu'tazila aussi, qui ont tous ça en commun dans leur méthodologie. Aussi, le fait de rentrer dans les élections, hein, et de participer à la démocratie. Ça, c'est un de leurs principes, parce que lui-même, Hassan al-Banna, s'était présenté aux élections à son époque. Hein? Et ils ont toujours appelé à ça. Donc, ça c'est déjà un gros problème aussi par rapport au manhaj, puisque la démocratie c'est un système de kofre. Hein? C'est un système de kofre qui est basé sur l'idée que le pouvoir appartient au peuple. Hein? Demos qui veut dire le peuple et kratos qui veut dire le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Et on sait que dans l'islam, le pouvoir puis la législation, c'est un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est Allah qui décide qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. C'est pas la population, c'est pas le peuple. Tandis que dans la démocratie, eh bien, c'est les habitants, la population, le peuple, qui vont choisir des élus, qui vont aller au parlement, ou bien, ici ça marche pas nécessairement comme ça en France. C'est un petit peu différent le système des élections démocratiques, mais sinon au Canada et aux États-Unis, chacun ils ont des méthodes différentes, sauf que disons qu'ils vont choisir des élus, puis ces élus-là vont voter les lois par la suite. Et ils vont décider qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Qu'est-ce qu'Allah a rendu haram, eux ils peuvent le rendre halal. Et qu'est-ce qu'Allah a rendu halal, eux ils peuvent décider de le rendre haram. Hein? Comme si pour eux, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose qui est important, ça a aucune valeur. Qu'est-ce que Allah a décidé, c'est pas grave. Allah il a interdit le zina, eux ils ont fait des lois pour dire non, le zina c'est halal. Si deux adultes consentants, c'est permis. Même si c'est deux hommes, même si c'est deux femmes, c'est pas grave. Hein? Tout ce qu'ils veulent rendre halal, ils rendent halal, même si Allah l'a déclaré haram. L'alcool, il le déclare halal. Il y en a plein d'autres choses aussi comme ça. Et il ne se réfère pas à la révélation divine. Donc ça, c'est la base même du kufr. Hein? C'est une forme de kufr. Et ça rentre dans le shirk. Hein? Donc, beaucoup de musulmans ne sont pas au courant de ça. Et ils ne comprennent pas ça. Et aussi, sur ce plan-là, c'est en contradiction avec le tawhid. Et c'est aussi en contradiction avec le manhaj. Parce que dans l'islam, le dirigeant, lorsqu'on lui a donné une bay'a, il n'est pas permis de l'enlever du pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Hein? Il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Ça a été comme ça à l'époque d'Abu Bakr Siddiq, à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, à l'époque d'Othman ibn Affan, à l'époque d'Ali radiallahu anhu, et tous les autres qui sont venus après. Ils n'étaient pas remplacés ou enlevés du pouvoir, excepté lorsqu'ils meurent. Et pas avant. Et que c'est interdit de se rebeller ou de se révolter contre un dirigeant ou de chercher à l'enlever du pouvoir, sauf si, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sauf si ce dirigeant-là a fait un kuf bawah fihi min Allah burhan, c'est-à-dire qu'il a fait un kuf qui est clair au sujet duquel il y a une preuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il a fait un kouf bawah, les ulama ont bien entendu expliqué que il y a des conditions. Si ce dirigeant il a vraiment fait un kouf, les ulama ont dit oui, ce dirigeant-là il est kafir. Hein? Eh bien, il faut, par exemple, ils ont dit pour l'enlever, pour être capable de l'enlever, si vous avez la capacité, la force nécessaire, et que vous allez l'enlever et que ça ne va pas faire de fitna, ça ne va pas faire couler le sang des innocents, ça ne va pas éliminer la sécurité dans le pays et faire du désordre et ramener un mal plus grand, dans ce cas-là, vous pouvez. Mais dans le cas contraire, vous ne pouvez pas. Vous devez faire preuve de patience et attendre jusqu'à ce que vous soyez capable. Mais les gens d'aujourd'hui en Amstein, ils ont contredit dans ces principes-là. Et ils ont pensé que depuis que le dirigeant est injuste, c'est permis de se révolter contre lui, de faire des manifestations, d'appeler à des coups d'État ou des choses comme ça. Donc ça fait partie des choses dans lesquelles les frères musulmans ont contredit. Et aussi d'utiliser le terrorisme et les attentats terroristes pour arriver à leurs objectifs. Parce que un des principes des Ikhwan, c'est l'idée que le but justifie les moyens. C'est-à-dire que si toi tu as un but et que ce but-là, tu considères que ce but-là il est bon, eh bien, tous les moyens pour arriver à établir ce but-là sont permis. Même que ce soit halal ou haram, c'est pas grave. Le but c'est que tu arrives à faire ce que tu veux à la fin. Et donc, c'est pour ça que tu vois arriver de la part des Ikhwan des choses inconcevables. ils étaient les premiers à déclarer, les dirigeants des autres pays, kuffar, parce qu'ils, soi-disant, ils disaient ils n'appliquent pas la loi d'Allah, ils sont des laïcs ou des trucs comme ça. Maintenant, quand on a vu les élections qui se sont passées en Égypte et que les Ikhwan eux-mêmes sont rentrés dans les élections, là, ils sont au pouvoir. Est-ce que leur président maintenant applique la charia et juge selon la loi d'Allah? Non. Mais pour eux, c'est pas grave. Parce que leur objectif, c'est d'arriver au pouvoir seulement. Et même un des groupes qui se prétendait salafi, mais c'est juste en apparence, comme le groupe de Hizb al-Nour, hein, et les Hizbiyin de l'Égypte, comme Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini et cette jama'a qui se dit salafi mais qui n'a rien à voir avec la salafie, et ceux qui sont autour de cette tendance-là, ils se sont présentés dans les élections alors qu'ils savent que c'est en contradiction avec la salafie. Et quand ils ont fait leur prospectus pour présenter leur groupe et leur parti, ils ont dit on ne va pas appliquer la charia. C'est comme pour rassurer les laïcs et ceux qui veulent pas la charia et les chrétiens aussi, pour leur dire n'ayez pas peur, on va pas appliquer la charia, donc votez pour nous, il n'y a pas d'inquiétude pour vous là-dedans. Donc ça c'est grave, hein? Allah al-Musta'an. Et donc ça fait partie de leurs égarements. Maintenant al-Jama'at al-Tablighiyya, eh bien, il y a des choses en commun entre Jama'at Tablir et Jama'at al-Ikhwan. Premièrement, ils ont été fondés presque en même temps, même une année de différence. Les Ikhwan sont fondés en 1928 et eux sont fondés en 1927. Donc, c'est presque à la même époque. Et les deux fondateurs de ces deux Jama'at sont des soufis, sont éduqués dans le soufis. Sont éduqués dans le tasawwuf. Le fondateur d'établir, Cheikh il dit Jama'atun qama bi ta'sisiha Muhammad ibn Ilyas ibn Muhammad Ismail al-Kandahlawi. Wulid 'am 1302 wa tuwfiya 'am 1363. Il est du manhaj Diobandi. C'est-à-dire, son nom c'est Mohamed Elias Al-Kandahlawi, il est né en 1302 Hijri et il est mort en 1363. Hein? Donc, ça c'est cette personne, le fondateur. Il était de l'école des Diobandiyya. L'école des Diobandiyya en Inde, c'est une école qui est fondée sur le tasawwuf, hein, le soufisme, sur ilm al-kalam, parce qu'ils sont de la tendance de la croyance des Maturidiyya dans l'aqida. Et la croyance des Maturidiyya, c'est comme l'aqida des Asha'ira au sujet des sifat, des attributs d'Allah. Ils déforment leur signification et ils n'affirment que 7 attributs ou 8. Et en ce qui concerne le qadar et en ce qui concerne le tawhid et des autres croyances de ce genre, ils ont aussi les mêmes problèmes que les Asha'ira dont on a parlé hier. Donc ça c'est des gens de kalam, d'accord. Donc ils ont des problèmes dans l'aqida. Ils sont soufis, ils se sont des soufis, des qubouriyin, hein, des gens qui vénèrent les tombes et les morts et ainsi de suite, et qu'ils ont beaucoup d'autres formes de bid'ah. Et dans le madhab, ils sont ahnaf, sont des ahnaf, des hanafiyas, sauf qu'ils sont des fanatiques. C'est-à-dire, ils suivent aveuglément le madhab, sans retourner aux preuves. Et s'ils trouvent un dalil qui contredit le madhab, ils le rejettent. Hein? C'est des gens vraiment fanatiques. Donc, ils sont, comme le cheikh il dit, diobandi al-manhaj, hanafiyu al-madhab, الأشعري الماتوريدي عقيدة والصوفي طريقة. Et la tariqa du fondateur c'était, si je ne me trompe pas, c'est la tariqa al-Jistiyya. C'était la tariqa al-Jistiyya. Et on rapporte par rapport à sa biographie que c'est quelqu'un qui allait se recueillir auprès des tombes, soi-disant pour absorber des émanations spirituelles de la part des morts, des awliya, soi-disant. Hein? Et ça fait partie des adorations qui sont enseignées dans la tariqa Jistiyah justement, d'aller faire le zikr auprès des tombes. Et ils se recouvrent avec un drap sur la tête, et puis ils font leur zikr comme ça, puis ils pensent que les émanations des awliya tombent sur eux, comme ils les appellent en arabe, le fuyudat. Hein? Donc, c'est des exemples. Ils ont plein de formes de dhikr qui sont les dhikr d'égarement, de bid'a, comme le font la majorité des soufines. Et ces deux groupes-là, ils ont quelque chose en commun aussi encore, c'est qu'ils sont venus pour opposer la da'wa salafia. Et vous allez voir que maintenant, avec les Ikhwan qui sont en Égypte au pouvoir, ils vont avoir, selon moi, Allahu A'lam, mais beaucoup, ils vont avoir beaucoup plus de moyens que dans le passé pour propager leur voie et leur méthodologie. Et donc, selon moi, Allahu A'lam, ils vont faire beaucoup d'efforts maintenant, encore plus qu'avant, et ils auront plus de moyens, plus d'argent pour faire en sorte que leurs idéologies se propagent, et ils vont tout faire pour essayer d'arrêter la da'wa salafia et la propagation de la salafia. Donc, c'est leur but, c'est ça, de mettre de l'avant le soufisme et les croyances de bid'a et d'essayer de bloquer par tous les moyens l'avancement de la salafia. Hein? Parce que les koufars et les munafiqines et les gens de bid'a ont constaté que la salafia, elle avance de plus en plus et qu'elle se propage de plus en plus. Et donc, ils veulent faire tout leur possible maintenant pour la ralentir et pour l'arrêter. Ils ont établi leur groupe sur 6 principes, 6 fondements qu'ils appellent les 6 sifat, les 6 caractéristiques. Et la première, c'est de réaliser la parole de la ilaha illallah de Muhammad Rasulullah. Sauf que, bien entendu, leur façon de comprendre la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça se limite à Ar-Rububiyya. Tawhid Ar-Rububiyya seulement. C'est-à-dire d'affirmer qu'Allah c'est le maître, qu'Allah c'est le créateur, qu'Allah c'est le pourvoyeur, qu'il a le contrôle de toutes choses, qu'il faut avoir confiance en lui, et ainsi de suite. Mais ça se limite à ça. Tawhid Al-Ibada, il ne rentre pas dedans. Et Tawhid Al-Asma wa Sifat, ils n'en parlent pas. Et il rentre même dans cette compréhension-là des compréhensions des soufis de Wahdatul Wujud. De Wahdatul Wujud, c'est-à-dire de croire que tout est Allah et que Allah est tout. Et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Mais ça, c'est dit dans d'autres mots. C'est pas dit de cette façon-là. C'est dit dans d'autres mots que la personne, lorsqu'elle va l'entendre, elle ne va pas réaliser que c'est ça qui est enseigné. Okay? Comme ils vont dire, par exemple, il faut enlever du cœur la certitude en toutes les choses, puis remettre dans le cœur la certitude que Allah, c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul maître. Okay? Donc, ils ont beaucoup de ces expressions-là, mais c'est pas expliqué selon l'explication des salafs et ils donnent pas d'importance au tawhid. En ce qui concerne les autres, bon, ils parlent de la prière avec concentration, avec humilité. Ils parlent de le numéro 3, al-ilm ma'al-zikr, al-ilm bil-fada'il, l'al-masa'il. Ils parlent des mérites, des actions seulement. Comme s'ils vont parler que si tu fais telle action, tu vas avoir telle récompense. Si tu fais telle action, tu vas avoir telle récompense. Si tu dis telle parole ou tel dhikr, tu vas avoir telle récompense. Mais ça se limite à ça. Ils vont pas rentrer dans les règles. Ils vont pas rentrer dans le fiqh. Ils vont pas rentrer dans le tawhid. Ils vont pas rentrer dans le hadith, dans l'explication de la science islamique. Ils se limitent. Ils vont pas parler d'aqidah. En fait, leur principe, comme les ikhwan, c'est de dire tout ce qui peut nous diviser, on le met de côté. Donc, on n'en parle pas. Donc, ça, c'est un de leurs points. Le point numéro 4, c'est ikram al-muslim, de faire preuve de générosité envers le musulman. 5, tasheeh al-niyya, corriger l'intention. Et ad-da'wa ilallah wal-khuruj fi sabilillah ala manhaj al-tablir. Donc, le sixième, c'est de faire l'appel à Allah et de sortir fi sabilillah. Bien entendu, sortir Fisabilillah, pour eux, ça veut dire sortir comme selon les enseignements de Jamaat Tablir. Si tu t'en vas juste pour si tu t'en vas avec eux pour essayer d'enseigner aux gens le tawhid et la aqida et l'islam, les règles de l'islam, ils ne vont pas te laisser faire. Ils vont, et si tu les invites, par exemple, à assister à un dars sur le tawhid ou sur la aqida ou sur le manhaj des salaf, ils vont pas venir. Et souvent, même s'ils sont dans la mosquée et que il y a un alim qui parle ou qui donne un dars sur la aqida et le manhaj, ils vont se lever et ils vont partir. Et c'est déjà arrivé. Même Cheikh Al-Fawzan, il parle de ce sujet-là. Il disait, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des savants qui ont permis de partir avec eux dans le but de leur enseigner. Hein? De leur enseigner et de les corriger et de leur donner la nasiha et de leur faire da'wah. Et Cheikh Al-Fawzan, il a dit non, ils ne vont pas accepter de toi la da'wah. C'est eux qui veulent te faire la da'wah. Et il dit à chaque fois, il dit des fois on donne un dars sur le tawhid et eux ils sont assis dans un coin de la mosquée et quand on commence à faire le dars, ils se lèvent et ils partent. Hein, ça c'est des exemples qu'on a vu de qu'est-ce qu'ils font. Il dit walakin min hadhihi, aussi un autre point qui est grave aussi chez les tablir comme plusieurs d'entre les soufis, c'est que ils détournent les gens des ulama et de la science de l'islam par plusieurs moyens. Et ils essaient de leur faire croire que l'important, ce n'est pas la science, l'important, c'est l'action. Et non, ils disent, l'important, c'est l'amal. Mais l'ilm, ça, ce n'est pas important. Et les ulama, ils les éloignent des ulama en leur faisant croire que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est mieux que qu'est-ce que les gens qui apprennent l'islam sont en train de faire. Donc ça fait partie des exemples. Et on a déjà fait des cours sur ça. À Montréal, on a déjà expliqué certaines choses à ce sujet-là. Donc, vous pouvez retourner à ces cours-là pour entendre plus d'explications, si vous voulez, des paroles des ulama à ce sujet-là. Il dit, وَلِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ أَوِ الصِّفَاتِ مَقْصَدْ وَفَضِيلَ وَطَرِيقَةْ حُصُولْ مُحَدَّدَةً. Donc, ils ont pour chacune de ces choses-là un objectif, il y a des mérites et il y a un moyen d'arriver à leur résultat selon leur groupe, selon leur compréhension à eux. Et il y a beaucoup d'autres groupes aussi, bon, qui ont des choses semblables. Donc, le cheikh dit « فَالْحَذَرَ الْحَذَرْ مِنْ كُلِّ أَصْحَابِ بِدْعَةٍ خَرَجُوا عَنِ الْمَنْهَجِ الْحَقِّ إِلَى مَنْهَجٍ وَافِدٍ اِخْتَرَعَهُ مَنْ يَجْهَلُ الْأُمُورِ والأدلة على ذلك قائمة أنهم يجهلون الأمور فالمؤسسون لها يجهلون منهج الرسل وأتباعهم في الدعوة إلى الله فلذلك كان الولاء والبراء قاعدة إيمانية فإن بعض قادة المؤسسين لهذه الجماعة لم يطبقوا باب الولاء والبراء على الوجه المراد منهم شرعا. Donc il dit, faites attention à tous les gens qui appellent à la bid'a et qui sont sortis de la voie de la vérité vers une voie qui a été inventée par des gens qui sont ignorants et qui ignorent les choses et qui sont établis sur l'ignorance parce que c'est des gens qui ignorent la réalité de l'islam. Ceux qui ont fondé ces groupes-là, c'est des gens qui ignorent la réalité de l'islam. C'est comme des gens qui ont vu que la Ummah a des problèmes et que la situation de la Ummah est mauvaise parce qu'il y a des divisions, il y a de l'ignorance, il y a des problèmes et qui se sont dit on va s'asseoir puis on va trouver des réponses par nous-mêmes à ces problèmes-là. On va réfléchir pour trouver des solutions. Puis ils sont arrivés avec ces idéologies-là. Ou bien ils ont, comme Mohamed Elias Al-Kandahlawi, il dit il a eu un rêve puis il a vu ça dans le rêve qu'il fallait faire ça de cette façon-là. Hein? Donc ça, c'est des gens qui ont fait ça par eux-mêmes. Ils ne se sont pas référés aux ulama, ils ne se sont pas référés au Coran et à la Sunna pour comprendre comment régler ces problèmes-là. Ils n'ont pas essayé de les régler non plus comme les ulama des salaf les ont réglés. Donc, c'est des gens qui ignorent la méthodologie des prophètes et de ceux qui les ont suivis dans la façon de faire la da'wah et d'appeler les gens à Allah. Il dit le cheikh, donc c'est pour ça que al-wala wal-bara, c'est une règle de la foi qui est très importante. Mais les gens qui ont fondé ces groupes-là, ils ne l'ont pas appliqué. Hein, ils n'ont pas appliqué Al-Wala wal-Bara d'une manière qui est correcte et qui est voulue selon la charia. Et il va donner des exemples de ça. وَأَضْرِبُ لَكُمْ مِثَالًا بَعْضَ زُعَمَا. Parce que c'est important, la question de Al-Wala wal-Bara, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va refléter ta aqida à toi? La façon dont tu agis avec les autres, dont tu interagis avec ceux qui ont contredit la voie de l'islam et de la sunna, ça montre toi-même ta aqida, où est-ce qu'elle se situe, hein, et comment tu l'as compris. Donc, il donne des exemples. Il dit, « Adribu lakum mithalan. Ba'du zu'ama hadihi al-jama'a sarraha fi rasailin أو في رسائله ومنشوراته بأن الرافضة إخوة للمسلمين وما الخلاف بيننا وبينهم إلا في فروع المسائل كالخلاف بين المذاهب أي بين الأئمة الأربعة. Donc le cheikh dit, je vais vous donner un exemple de quelques contradictions dans Al-Wala wal-Bara chez ces groupes. Akhi, comment il s'appelle le petit? Comment tu t'appelles? Islam al-Din? Naam. Tu peux rester calme et sage et écouter comme tout le monde, Inch'Allah. Hein? Tu vas profiter. Et ton ami à côté? Comment tu t'appelles? Rami? Rami, khair, Inch'Allah, Rami. Essaie d'écouter comme il faut qu'est-ce qu'on est en train de dire et assieds-toi calmement, ok? D'accord, khair, Inch'Allah. Donc, il dit le cheikh que certains des têtes de ces groupes-là ont dit dans leurs livres et dans leurs publications, par exemple, que les Rafidas sont les frères des musulmans. Que les Rafidas sont les frères des musulmans. Hein? Allah al-Musta'an. Les Rafidas, comme on l'a expliqué hier, c'est les Shia, Rafidas. Ceux qui insultent les Sahaba. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, il explique en bas de page, il dit, Rafidi bima'na al-Tark. الرفض بمعنى الترك وهم الذين يرفضون إمامة الشيخين. Donc on les appelle rafida parce que الرفض ça vient du fait de laisser ou d'abandonner, et on les appelle comme ça parce qu'ils ont refusé le khilafa de Abu Bakr et de Omar. ويتبرؤون منهما, ils se désavouent de Abu Bakr et de Omar. وَيَسُبُّونَ أَصْحَابَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَيَتَنَقَّصُونَهُمْ. Et ils insultent les compagnons du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et ils les insultent et ils les rabaissent. Ils insultent Abu Bakr, ils insultent Omar, ils insultent Omar et Uthman et le reste des Sahaba, hein, excepté 4 ou 5. Et ils les déclarent kuffar. Ils les déclarent kuffar. Donc les Rafidah déclarent les Sahaba kuffar. Et ils les insultent, et ils insultent également les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils les insultent et ils les appellent par toutes sortes de noms pour les dénigrer et pour les insulter. Donc ça c'est pour résumer. Et aussi il y a le fait qu'ils adorent les descendants de Ali radiallahu anhu, ils les prennent comme des dieux. Et ils construisent des mosquées sur leurs tombes, et ils vont faire des pèlerinages là-bas, et ils les mettent comme des intermédiaires entre eux et Allah, ils font le shirk avec eux. Donc ça fait partie des éléments qui font que ces gens-là sont pas musulmans. Parce qu'ils ont contredit dans les fondements de l'islam. Et donc, de dire qu'ils sont des frères des musulmans, ça c'est un mensonge. Et ils prétendent, comme ces gens-là, quand ils disent que, ils parlent ici de Hassan al-Banna, c'est lui qui a dit ça, qui a dit, les Rafidas sont les frères des musulmans. Et ils prétendent que les divergences qui existent entre nous et eux sont uniquement dans les branches des questions de divergence entre les madahib. Que c'est comme des divergences entre les différentes écoles de fiqh. Hein? Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Hein? Et bien entendu, ça c'est totalement faux. Et le cheikh, il répond justement à ça. Il dit, وهذا قياس فاسد. فالرافضة معروفون بسوء معتقدهم وقبيح أفعالهم وسوء تصرفاتهم فالإضافة فبالإضافة إلى الشركيات ضموا إليها بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر. وفي مقدمة من يبغضون بل ويلعنون أبو بكر وعمر اللذان هما خير من وطأت أقدامهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة. Donc le cheikh dit ça c'est une comparaison totalement fausse. Tu peux pas comparer les divergences entre les madhahib et les divergences entre Ahlus Sunnah et les Rafida. Parce que les divergences entre les madhahib, c'est pas dans les fondements de la croyance, c'est pas dans les fondements de la aqida. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad sont quatre imams parmi les imams des salafs. Et ils étaient tous sur la même aqida, sur le tawhid et sur la sunna. Et la définition de la foi, c'est la même pour eux, sauf peut-être Abu Hanifa qui avait certaines divergences sur ce sujet-là. Mais dans les autres questions, ils sont tous d'accord sur les fondements d'Ahlus Sunnah. Donc, ils n'ont pas considéré les quatre mazahib d'Ahlus Sunnah comme étant des sectes. Ils ont considéré ça comme étant des divergences entre les ulama sur les questions d'ijtihad et de fiqh. Donc, ils sont tous des gens d'Ahlus Sunnah sur la aqida des salaf. Tandis que les rafida, ils ont des fondements totalement opposés. Déjà, ils font du shirk et ils insultent les sahaba, comme on l'a mentionné. Et ils rejettent les hadiths parce qu'ils ne croient pas aux sahaba. Pour eux, les sahaba sont des koufars, donc ils n'acceptent pas les hadiths. Et quand tu rapportes un hadith de Abu Huraira ou de Aisha radiallahu anhuma ou de Ibn Mas'ud ou bien des autres sahaba, ils ne les acceptent pas, ces hadiths-là, eux. Pour eux, Sahih al-Bukhari, ce n'est pas une référence. Ni Sahih Muslim, ni les autres livres de hadith. Ils ont leur propre hadith, ces gens-là. Et les hadiths qu'ils ont, c'est les hadiths rapportés supposément par leurs 12 imams. Parce qu'ils croient que, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ali qui doit être khalifa, c'était lui le premier imam, ils prétendent ça. Et ensuite, les 12 descendants de Ali radiallahu anhu. Et entre les chiites, il y a différentes sectes qui sont apparues justement à cause de la différence d'opinion qu'ils ont entre eux sur le nombre d'imams qui doivent venir après. Et donc les Ismaïliens, eux, ils ont arrêté à 8. Ils ont donc fait, c'est devenu une secte. Et d'autres, ils ont divergé sur d'autres. Il y en a un, par exemple, certains de leurs imams, ils ont eu 2 enfants. Un, ils ont pris un comme étant le successeur de cet imam. Et l'autre secte, elle a pris le deuxième fils comme étant le successeur de la secte. Ça a fait 2 autres nouvelles sectes. Et ils se sont tous divisés comme ça, chacun, à chaque génération, ils se divisaient. C'est pour ça qu'il y a plein de sectes chiites. Et donc, ces 12 imams-là, ils croient que c'est des êtres surnaturels, des demi-dieux. Qu'ils ont des pouvoirs de connaître le raïb, ils connaissent l'invisible, ils ont un pouvoir sur toute chose, ils contrôlent même l'univers. Et ils pensent même que le dernier de ces 12 imams-là, qu'il est encore vivant depuis 1200 ans. Ils disent que quand il est né, il est devenu invisible, il est rentré dans un état d'invisibilité et qu'il va revenir à la fin des temps et que c'est lui l'imam Mahdi qu'ils attendent. Donc ils disent qu'il est en un état d'occultisme, Reibouba. Il est invisible, on ne le voit pas. C'est lui qui contrôle le monde actuellement. Ça c'est celui qu'ils appellent l'imam al-Mahdi. Yarhamukumullah. Donc la réalité c'est que les descendants de Ali radiallahu anhum, plusieurs d'entre eux, en partant avec Ali lui-même radiallahu anhu, ils n'étaient pas chiites. Il n'a jamais été d'accord avec la aqida des Shia. Même que le premier qui a ramené la bid'a des Shia, qui était Abdullah ibn Saba, un juif du Yémen, qui s'est présenté comme un musulman, mais qui était un munafiq, qui voulait juste essayer de créer de la division entre les musulmans, eh bien lui, Abdullah ibn Saba, il a commencé à inventer des mensonges comme ça à propos de Ali, de dire qu'il était Dieu, de dire que hein, il était celui qui devait être le khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des choses comme ça. Et quand Ali a attrapé ce groupe-là qui disait ça à son sujet, il les a fait creuser un trou et il les a jetés dedans et il les a fait brûler vivants. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, il a dit tu n'aurais pas dû les exécuter par le feu, parce que ça c'est le châtiment d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne châtiez pas par le feu, parce que ça c'est le châtiment d'Allah. Mais tu aurais dû les exécuter de la manière qu'on exécute les autres parmi les hérétiques et les apostats. Hein? Donc ça c'est l'attitude de Ali radiallahu anhu face à des gens qui ont exagéré envers sa personne. Et lui-même il aimait Abu Bakr, et il aimait Omar, et il aimait Othman. Il a même, Ali radiallahu anhu, il a même donné sa propre fille en mariage à Omar ibn al-Khattab, sa fille Kulthum. Il a donné à Omar ibn al-Khattab. S'il avait un problème contre lui, il n'aurait pas donné sa propre fille. Hein? Et il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que entre les sahaba, il n'y avait pas de ce genre d'animosité ou de problème. Donc les rafidas, c'est des gens, ils ont basé leur religion sur du mensonge. Et de dire, donc, de venir et de dire, on va faire des rapprochements entre les rafidas et les musulmans, et de dire que on est des frères et que c'est juste des divergences dans les furu', comme avec les madahib, c'est un gros mensonge. Hein? Et après, il dit, فَعِنْدَمَا يَقُولُ مُؤَسِّسُ جَمَعَةِ الْإِخْوَانِ حسن البنا بأن الرافضة إخوة للسنيين هذا خطأ فاحش ومنكر من القول وهو تعبير يدل على جهل قائله بمنهج أهل السنة والجماعة وهو قد مات رحمه الله وأفضى إلى ما قدم ولكن الذين يزافعون عن هذا المنهج الذي أسس على مثل هذا الفهم السقيم هؤلاء الذين يجب أن يبين أمرهم أن يبين أمرهم ويحذر منهم وأن تجتنب مجالسهم لئلا ينفثوا سمومهم في أبنائنا وفي شبابنا وفي إخواننا. Donc, le cheikh, il explique que lorsque le fondateur Hassan al-Banna dit à propos des Rafida qu'ils sont les frères des gens de la Sunna, ça c'est une erreur grave. Et c'est une parole mauvaise. Hein? Et ça montre son ignorance du manhaj des salaf et du manhaj de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Toutefois, lui, il est mort, rahimahullah. Et il est retourné. Maintenant, il a fait ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait, c'est ça a été fait maintenant. Tandis que le problème, c'est avec ceux qui l'ont suivi par la suite et qui continuent à le défendre. Lui, ça y est, son cas est auprès d'Allah. C'est Allah qui va le juger. Mais ceux qui sont maintenant présents, qui l'ont suivi, et qui sont d'accord avec son manhaj, qui était un manhaj, une compréhension malade et fausse, c'est eux dont il faut clarifier la situation, et c'est de eux qu'il faut avertir, et c'est de leurs assemblées qu'il faut s'écarter, pour pas que leur poison soit propagé parmi les jeunes, hein, et parmi nos frères. Et il y a le cheikh Abu Abdullah Ala, Khalid ibn Othman al-Misri, qui a écrit un livre à ce sujet-là. Il dit Kashful alaqa Kashful alaqa bayna al-ikhwan wal-rafida. Quelque chose dans ce sens. Kashful alaqa al-muriba bayna al-ikhwan wal-rafida al-ithna ashriya. Donc, il parle dans ce livre-là de dévoiler les relations qui existent entre les rafida et l'ikhwan. À partir de Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Abdou et Mohamed Rachid Reda. Et c'est des gens qui étaient avant Hassan al-Banna, mais qui ont influencé beaucoup des idées de Hassan al-Banna. Puis Hassan al-Banna s'est inspiré de beaucoup de leurs égarements. Et après, yani, disons, lui, il a amené donc cette idée de rapprochement. Il a même fait un centre en Égypte pour appeler au rapprochement entre les Rafida et les gens de la Sunna, et il faisait venir des chiites, des savants chiites, des rafidats en Égypte pour discuter avec les ulama, et il faisait venir, ils allaient faire des visites là-bas pour les rencontrer eux, et ainsi de suite. Et même ils ont fait en sorte que les rafidats viennent en Égypte pour dans l'Azhar pour enseigner leur madhhab de fiqh, qu'ils appellent al-Ja'fariya. Et les rafidats, en passant, on les appelle par plusieurs noms, dont al-Ja'fariya, et on les appelle aussi al-Imamiya, et on les appelle aussi al-Ithna Ashriya, les 12, hein, ceux qui suivent les 12 imams. Ils les appellent en français des fois les déodécimains, ou quelque chose comme ça. Hein? Oui? Duodécimains. Imam. Donc, pour dire, en voulant dire les 12, ceux qui suivent les 12 imams. Donc, ça, c'est parmi les différents noms. Donc, il s'appelle Ja'fariya pour s'attribuer à l'imam Ja'far al-Sadiq. Toutefois, Ja'far al-Sadiq était parmi les gens qui étaient sur la Sunna. Et il n'a rien à voir avec les Rafida et les Shia. Et ils essaient de se référer à cet imam-là. Donc, mais bien entendu, c'est un mensonge. Donc, ça, c'est un point de qu'est-ce qu'il mentionne à ce sujet-là. Donc, si vous voulez des détails aussi, il mentionne après dans le livre de Cheikh Abu Abdelala, à propos de la relation entre les Ikhwan et les Rafida, il mentionne par la suite d'autres des têtes des Ikhwan qui sont venus par la suite, qui ont eu cette attitude-là de rapprochement avec les Rafida. Hein, subhanallah. Donc c'était déjà prévu, comme le fait il mentionne, il dit eux, ces gens-là, ils disent maintenant qu'ils vont renforcer les liens avec l'Iran. Puis même avant, quelques temps avant même les élections, j'avais entendu parler qu'il y avait comme des relations de plus en plus fortes avec les Rafida. Et ça c'est en même temps que les Nusayriya qui sont en Syrie sont en train d'utiliser justement l'aide des Rafida pour tuer et écraser les gens de la Sunna qui sont en Syrie. Et les Nusayriya, c'est une des sectes qui fait partie des sectes des Shia, mais qui est beaucoup plus extrémiste et égarée que la celle des Rafida. Déjà, les Rafida sont koufars, alors imaginez, si les Nusayriya sont plus graves qu'eux, c'est encore plus pire. Les Nusayriya, c'est des gens qui croient que Ali était l'incarnation de Dieu. Naam. Et ils croient, ces gens-là, ils croient en la réincarnation, puis ils croient en toutes sortes d'autres croyances totalement fausses. Comme les Ismaïliya aussi. Les Ismaïliya, c'est une autre des sectes des Shia. Et parmi les groupes qui existent de cette tendance-là, il y a les Agakhaniya et il y a les Bouhara. Ces deux sectes qui sont reliées à ce qu'on appelle l'Ismaïliya. Ils font partie des sectes ésotériques. Ils disent qu'il y a un côté de la religion qui est caché, que personne ne peut connaître sauf ceux qui sont avec eux. Et ils interprètent tout ce qui est dans le Coran d'une autre façon. Donc la prière, ça ne veut pas dire prier 5 fois par jour pour eux. Il y a une autre signification, mais si tu ne connais pas leur secret, tu ne vas pas le savoir. C'est pour ça que tu vois que ces gens-là, ils ne prient pas. Ils disent que le jeûne du Ramadan, ça ne veut pas dire de ne pas manger, de ne pas boire. C'est autre chose. Mais et même leur foi, ils ne croient pas au paradis, à l'enfer. Ils disent ça, c'est symbolique. Ils ne croient pas au prophète. Ils disent que le prophète, c'est quelque chose, tout le monde peut l'acquérir. La prophétie, c'est juste avoir l'intelligence, la philosophie, des choses de ce genre. Et ils ont plein d'autres croyances de Kofiani comme ça. Mais tout ça, ils ne le disent pas ouvertement. C'est des croyances cachées. Mais si vous faites des recherches sur les Ismaïliens, vous allez le trouver. Ils se disent en fait Shia ou Rafidi, mais en réalité, ils sont encore plus hérétiques que ceux-là. Et les Nusayriya font partie de cette tendance des Batiniya. Donc, Hafez al-Assad et Bachar al-Assad font partie des gens de cette secte. Hein? Et c'est ça leur croyance. Donc, ils sont alliés avec les Rafidah maintenant, toujours. Hein? Donc, ça, c'est des exemples aussi à ce sujet-là par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier exemple qu'il mentionne. Il mentionne un autre exemple aussi, qui n'est pas trop long, Inch'Allah, on va finir avec celui-là, à propos des exemples de Hassan al-Banna. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit « وَهَكَذَا يَقُولُ مُؤَسِّسُ هَذِهِ الْجَمَعَةِ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْيَهُودِ عَدَاءٌ دِينِي وَإِنَّمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ خِلَافٌ فِي الْإِقْتِصَادِ » Donc il dit dans un livre qui s'appelle « Al-Ikhwan al-Muslimun, Ahdathun Sana'at al-Tarikh » Il mentionne que Hassan al-Banna a dit qu'il n'y a entre nous et les Juifs aucune animosité religieuse. Il y a entre nous et eux que une divergence sur l'économie. Hein? Et dans une autre, dans d'autres citations, il mentionne aussi que c'est juste à propos de la terre, hein? À propos du territoire. Hein? Et c'est Youssef al-Qardaoui, il a dit la même chose. Il a dit on n'a aucun problème avec les Juifs, on ne les déteste pas parce que ce sont des koufars, on les déteste juste par rapport au territoire. Hein? Et ça, c'est une grosse erreur dans le Wala wal-Bara. Parce que dans l'islam, on n'a pas le droit de détester seulement quelqu'un par rapport à quelque chose de la dunya. Hein? On doit détester pour Allah. Et on doit aimer pour Allah. Hein? Tu ne vas pas détester le kafir seulement parce que, par exemple, un kafir il a pris ton argent. Ou il a volé ta voiture. Tu dis, ah, je le déteste. Mais s'il n'avait pas volé ton argent ou pris ta voiture, tu dis, ah, je l'aurais aimé. Non, tu dois le détester avant tout pour son coffre. Et même s'il te fait du bien, ça reste quand même que c'est un kafir. Imaginez les sahaba, c'est pas des étrangers, Yanni, qu'ils ont détesté. C'est leurs propres parents. Quand ils étaient des koufars et des mouchriquins, ils les ont détestés pour Allah. Alors, si c'est le cas comme ça, Yanni, imaginez les gens qui sont de peuples étrangers, hein, et qui sont des koufars. Mais bien entendu, le fait de détester puis d'aimer les chrétiens ou de les détester, on doit les détester pour Allah. Mais le fait de les détester pour Allah, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on doit leur faire de l'injustice et de leur faire du tort? Non. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « La yanhakum Allah an illadina lam yuqatilukum fi d-din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, anta barruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. » Donc, il ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures et qui ne vous ont pas combattu dans la religion. Donc, tu vas être bon avec eux, tu vas être juste avec eux. Sauf que tu vas les détester pour Allah. Hein? Et si tes parents sont des koufars et des mouchriquins, tu dois les écouter, les obéir dans le bien. Hein? Sauf que tu les détestes pour Allah. Allah dit dans le Coran, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Hein, c'est-à-dire, et si ces deux parents-là te forcent à associer avec moi ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais sois pour eux un bon compagnon dans la dunya, tu agis bien avec eux. Mais s'ils te forcent à faire un haram, ou à faire le shirk, ou le kufr, tu dis non, j'obéis pas dans ça. Hein? Ou bien d'autres exemples comme ça, mais c'est pour dire, les ulama ils ont expliqué, on a le droit de faire des accords politiques, des accords économique avec des mouchriquins et des koufars. On a le droit de faire ça. Et ça rentre pas dans Al-Wala ou Al-Bara. Parce que c'est des échanges qu'on fait. On vend, on achète. Hein? On fait des ententes politiques, des trêves, des pactes, des ententes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait. Avec les juifs, avec les mouchriquins. C'est permis de le faire. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est quand tu vas t'entendre avec eux ou mettre des clauses dans cette entente qui viennent en contradiction avec l'islam. Et qui viennent en opposition avec les fondements de la religion ou bien avec les principes de la religion. Hein? Toutefois, les extrémistes qui ont exagéré dans la religion et qui sont tombés dans le takfir ou d'autres choses de ce genre, ils font rentrer dans le wala ou le bara des choses qui ne sont pas de al-wala ou al-bara. Ils vont dire, par exemple, que si quelqu'un, par exemple, un pays fait une entente politique ou économique ou une trêve avec les mouchriquins, les koufars, ou les juifs ou les chrétiens, ah ça y est, ce sont des koufars, ils ont pris les koufars pour alliés. Hein? Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est des choses qui sont légales et permises. Hein? Mais qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est de s'allier avec eux dans la religion et d'être d'accord avec eux sur leur religion et de les aimer pour leur religion et pour leur kufr et leur shirk. Si tu les aimes pour ça, là tu sors de l'islam, même si tu ne les as pas aidés, même si tu n'as pas de pacte avec lui. Comme si là tu es ici dans la mosquée, assis dans la mosquée, et puis tu dis, moi j'aime les mouchriquins et les koufars parce qu'ils font le shirk et le kufr et j'aime leur religion de mes créances. Tu n'es qu'à faire comme eux, parce que tu les aimes, et tu aimes qu'est-ce qu'ils font qui est contraire à la vérité. Hein? Tu les as pris comme alliés par ton cœur. Tu as fait al-wala aux koufars et aux mouchriquins dans leur kufr et dans leur shirk. C'est ça qui fait sortir de l'islam. Mais si tu as été bon avec eux, tu as été juste avec eux, tu as agi avec eux correctement comme l'islam t'ordonne, hein? Tu ne peux pas dire, par exemple, tu donnes à un kafir un cadeau, ou tu... agis bien avec un mouchrik ou un kafir ou un juif ou un chrétien. Après, quelqu'un te voit et dit, ah, mais toi, tu les prends comme ça, tu es gentil avec eux, ça veut dire tu les prends comme alliés. Non, c'est pas ça que ça signifie. Hein? Donc, ça, c'est des exemples juste pour clarifier. Mais les Ikhwan, eux, ils ont rien compris d'Al-Wala Al-Bara. Donc, ils pensent que les alliances économiques et politiques, ça, c'est hein, quelque chose qui fait sortir de l'islam, que c'est les prendre pour alliés. Et ils disent, on n'a que des problèmes politiques avec eux ou économiques. Si on règle les problèmes politiques et économiques, ça y est, on n'a plus de problèmes avec eux. Ça, c'est leur ignorance ancienne. Et ils disent, وَهَذَا مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين بقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وهذا جهل فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحكامها يترتب عليه شيء خطير. Donc il dit, le cheikh il dit que ça c'est une parole mauvaise de dire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé la haine des juifs et des mouchriquins pour les musulmans. Dans le verset 82 dans Surat Al-Ma'ida, il dit, tu trouveras que les gens qui ont la plus grande animosité envers les croyants sont les juifs et ceux qui ont fait le shirk. Al-Yahoud, wal-lazina ashraku. Et donc, l'ignorance de ce verset-là, hein, elle est claire dans la parole de Hassan al-Banna. Hein, parce que le verset, il est clair. Hein? Et il est explicite. Et donc, le fait de dire qu'est-ce qui est contraire à ce verset-là, c'est quelque chose de très dangereux. Hein? Et, c'est étonnant de voir que des gens parmi les Ikhwan aujourd'hui sont en train d'appeler les musulmans à dire il faut aimer les juifs et les chrétiens, ce sont nos frères. Et ils disent même qu'il ne faut pas dire d'eux que ce sont des koufars et des mouchriquins. Il faut dire que ce sont des croyants. Hein? Et ça, c'est totalement en opposition avec le Coran et la Sunna. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré que toute personne qui ne croit pas en le Coran et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un kafir. Et les juifs et les chrétiens, ils ne croient pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ne croient pas en le Coran. Et les chrétiens, ils croient peut-être en l'Injil et en Isa, mais les juifs, ils ne croient pas en l'Injil et en Isa. Donc, ça fait un élément de kufr de plus. Hein? Et en plus de ça, déjà dans leur religion, eux-mêmes, ils l'ont falsifié et ils l'ont changé, de sorte que dans leur religion maintenant, elle est en contradiction avec ce que leur prophète leur a enseigné à la base. Donc, la religion des juifs aujourd'hui, qu'ils pratiquent, elle est en contradiction avec ce que Moussa alayhi salam est venu enseigner. Donc ils font du shirk et ils font toutes sortes de choses qui contredisent leur religion. Et les chrétiens, la même chose. Ils ont contredit le message d'Isa alayhi salam. Et ils prennent Jésus comme un dieu. Hein? Isa, ils le prennent comme dieu ou comme fils de Dieu. Et ils croient que Dieu est une trinité, que les trois forment un. Et ils se prosternent et ils se mettent à genoux devant la croix. Hein, et ils vont à la tombe des saints et ils les adorent, ils leur demandent des choses en dehors d'Allah, tout ça c'est du shirk. Hein? Il prie les saints, il prie Jésus, il prie Marie, tout ça c'est du shirk. Donc, comment tu peux dire que ces gens-là sont des croyants? La plupart des musulmans, quand ils regardent l'égarement des chrétiens ou des juifs, ils regardent par rapport au comportement. C'est-à-dire, oh regardez, ils boivent de l'alcool, ils font du zina. Mais ils regardent jamais leur aqida et leurs pratiques religieuses qui sont kufr et shirk. Et ça, c'est beaucoup plus grave que manger du porc, ou que faire le zina, ou que tuer ou voler. Hein? Donc ça, c'est des exemples. En ce qui concerne Al-Wala Al-Bara, c'est un sujet très important. Mais là, on va s'arrêter ici pour cet exemple. Puis, dans la suite, on va continuer à donner des exemples des contradictions des Ikhwan au sujet de Al-Wala Al-Bara. Et il y a même un livre qui a été écrit à ce sujet-là par un des Tulab Ilm qui mentionne justement les contradictions des Ikhwan dans la question de Al-Wala Al-Bara. Et vraiment, le cheikh qui a écrit le livre, il ramène plein d'exemples de plusieurs des têtes parmi les gens de Ikhwan pour montrer leurs contradictions à ce sujet-là. C'est vraiment un des livres qui mériterait d'être traduit en français pour que les gens puissent être au courant, franchement, de la réalité de ces groupes-là. Malheureusement, beaucoup des maisons d'édition qui traduisent des ouvrages en français sont plus concerné par les ventes et l'aspect commercial de l'édition que par l'aspect de da'wa et de faire connaître aux gens les réalités de l'islam et de la salafia. Et même chez les éditions, parfois qui sont des éditions salafia. Donc, ils disent par exemple, parfois, à propos de certains livres, « Ah, mais ça se vend pas, donc on veut pas le publier. » Allah al-musta'an. Donc on va s'arrêter sur ça inshallah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.